J'attendais que mon temps vienne, j'attendais que l'on me prévienne, mais depuis pas de réponse, et ma vie nage dans les ronces. Je me prépare à sauter au loin, je parcourrai le monde pour le troisième hémisphère, j'additionnerai quelques nombres, les transformerai en l'air. Il suffit juste de voir plus loin. J'apprendrai le temps qu'il faut pour être enfin l'être pour qui le rêve existe. Je ne serai probablement plus là quand on pourra enfin les voir en vrai. Restera à faire tout ce dont j'avais rêvé, oublier tout ce que je perds, penser à ce que je peux trouver. Il suffit de voir encore plus loin. Je laisse tomber le superflu, l'amour, la haine, le faux et toutes ces conneries. Je ne saurais jamais plus qu'un sage instruit, mais j'aurai à apprendre un jour à vivre. Na na na.